tipi jonk tena jan jonk ap kouve Ma be pase mwen gade yo yo vole Yale pose son parapi ap danse Mwen gade yo mwen chupe yo mwen ale Mwen renkontre akonde de mwen akonte lidim Petit son ap si da pa pale Mwen wap a sonje sot asise san pale Le wap fin manje wap a kouche wap blage Mwen wap a sonje sot asise san pale Le wap fin manje wap a kouche wap blage De petit pigeon t'es nage un cap couvé Ma bébé passe mon gade yo yo volé Y'a les posés son parapluie à danser Mon gade yo moi tu veux au moins aller Moi rencontré à connaître des moi raconter les dîmes Et t'es son accident va baler Moi on va songer son assisté sans baler Là on va finir manger on va coucher on va blaguer Moi on va songer son assisté sans baler Là on va finir manger on va coucher on va blaguer Petit pigeon yo volé Aïe petit pigeon ça yo volé Oui on connaît danser danser Oui Palé. Palé. Oui, on compte faire musique. Musique. Oui, on compte jouer guitare. Guitare. Oui, on compte jouer cha cha. Oui, on compte battre tambour. Tambour. Oui, on joue contre basse. Oui, on compte battre batterie. Batterie. Oui, on connaît chanter. Chanté. Oui, on connaît parler. Chanter au palais au causer. Causer au palais au danser. Danser au palais au chanter. Chanter au palais au causer. Thank you. Chanter, chanter, parler, causer, causer, parler, danser.